Bonjour à tous, c'est officiel, c'est la canicule. Il fait presque 35 degrés dans Paris. Alors oui, ça nous rappelle cette belle époque de 2003 où sortait le deuxième Matrix, le dernier Seigneur des Anneaux et le monde de Nemo. Et oui, c'est aussi vieux que ça. Mais ça veut surtout dire qu'on est obligé de subir cette énorme boule de feu qui nous étouffe sous une chaleur insupportable. Sauf évidemment le jour de l'éclipse. La lune rousse la plus longue du siècle, là on a eu le droit à des bons gros nuages bien épais avec de la bonne grosse pluie. C'est donc un message personnel à adresser à Dieu, c'était vraiment, vraiment pas sympa. Comme dirait un de mes héros, in bird culture, that was called a dick move. Sinon, vous êtes bien dans le podcast de la critique du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 10. Aujourd'hui un programme avec des effluves de super-héros, puisque nous parlons de Ant-Man et la Guêpe, de Dogman et de Paranoia. Pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi mon équipe de brumisateurs parce qu'elles sont rafraîchissantes. À savoir Sarah, Armand et Rumix, on n'est que 4 aujourd'hui, c'est l'été. Pas de courrier de lecteur cette semaine non plus, c'est vrai, c'est les vacances, alors qu'est-ce que ça va être le 15 août hein. Mais on va mettre ça sur le compte de la chaleur, mais n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Dogman, écrit par Hugo Chitty, Matteo Garrone et Massimo Gaudioso. Et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors, le personnage principal de Dogman, c'est Marcello. C'est un mec à peu près 35 ans qui paye pas de mine, qui est toiletteur pour chien dans une banlieue absolument sinistre et qui a une fille de 8-9 ans. Mais entre deux toilettages, il vend quand même de la drogue à Simone, qui est son amie et qui est aussi une brute épaisse qui terrorise tous les commerçants du quartier. En plus de lui fournir sa dope, il sert aussi de conducteur pour braquage. Bref, il se laisse embarquer dans tous les faux plans de Simone, jusqu'à ce que Simone décide de cambrioler le bar qui jouxte sa boutique de toilettage. Donc, qui est interrogé par la police, c'est Marcello. Et au lieu de dénoncer Simone, alors qu'il pourrait s'en débarrasser, il décide d'aller en prison à sa place. Donc, lorsqu'il ressort de tôle, il est perçu comme tout le quartier, donc tous ses anciens amis, comme un gros traître, il se fait tabasser, c'est l'enfer. Et en plus, Simone refuse de lui verser l'argent qu'il lui devait. Donc là, les rôles s'inversent, Marcello décide d'agir enfin et d'enfermer Simone dans une de ses cages à chiens en le piégeant. Comme celui-ci refuse de s'excuser pour tout le malheur qu'il lui a causé, il finit par l'assassiner. Et le film se termine sur Marcello, seul avec son cadavre de Simone à moitié brûlé dans la différence générale au milieu de la cité. Voilà. Ouais, alors, ta façon de pitcher... On rappelle que le film, quand même, c'est 80% de victimisation et 20% à la fin où finalement il se rebelle un peu. Et encore, c'est que ce personnage est tellement caractérisé comme quelqu'un de gentil, de sympa, c'est qu'il a plusieurs fois l'occasion de le tuer et à chaque fois, même quand il l'assomme la première fois, il essaie quand même de le soigner. Rumix. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Dans la façon dont t'as pitché Sarah, c'est, pour moi ça résume le film. C'est quand finalement il se décide à avoir un objectif, merci, on est à je sais pas combien de minutes du film, d'accord, enfin il se met en mouvement. Le film jusqu'à présent est quand même extrêmement plat et j'ai trouvé ça assez dommage. Ok, Armand. Malheureusement, je vais être d'accord, c'est-à-dire que j'ai cherché un objectif, j'ai eu l'impression en fait d'une longue exposition. Et quand tout d'un coup le personnage se décide à rentrer dans son voyage, à rentrer dans l'action, et ben c'est la fin du film. Et j'ai trouvé ça très dommage. J'ai trouvé que ça aurait pu être mieux raconté. Et même la période de victimisation que tu dis qui fait effectivement 80% du film, j'aurais aimé qu'on croie au moins de temps en temps que le personnage va devenir un peu plus fort, un peu plus intelligent, pour après se refaire casser la gueule, pour après réessayer. Là, le problème, c'est que c'est effectivement plat, comme a dit Marine, c'est-à-dire qu'on sait, jusqu'au bout, on se dit « Allez, fais juste un petit geste, fais juste un petit... » Et non, et en fait, c'est plat, en fait, c'est linéaire, il se fait tout le temps victimiser, et en fait, j'ai pas besoin d'une heure pour comprendre ça. Un quart d'heure aurait suffi largement. Ok, Sarah. Bon, alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que ce que vous dites reflète pas vraiment ce qu'il a essayé de mettre en place, dans la mesure où au début, on est vraiment à fond avec ce personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie. C'est-à-dire, il a une fille de 8-9 ans, il aime les chiens, et en fait, il est victime, c'est ce que vous avez dit, mais son objectif est un peu passif, à savoir, il veut pas d'emmerde. Le problème, c'est qu'il en a tout le temps. Donc à ça, on peut dire qu'il y a beaucoup de conflits. Et en fait, je trouve que la première partie du film, paradoxalement, est très réussie. C'est vraiment ce qu'il y a de plus réussi. C'est-à-dire qu'on nous présente un quartier qui est complètement en déshérence, où c'est vraiment la cité, où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas d'espoir d'ascension sociale, où les femmes n'existent pas. Hein. C'est un quartier de commerçants hommes. Et on voit qu'il y a une peinture un peu de ce quartier, d'une cité d'Italie, où finalement, on se dit qu'avec des chiens et des amis... la vie peut être assez sympa. Et en fait, ils s'entendent tous, ils jouent au foot. Ça crée des scènes où ils déjeunent. Et d'ailleurs, ça crée aussi un morceau de bravoure où on voit le moment où ils essayent d'ailleurs de se débarrasser de la brute épaisse qui les brutalise tous, qui est Simone, en se disant, bon, en gros, est-ce qu'on peut le tuer ? Et au début, en fait, il y a beaucoup d'humour. C'est à partir du moment, je trouve, où il va en prison, c'est-à-dire les trois quarts du film, où là, on perd le personnage parce qu'on se dit, OK, là, il aurait dû réagir. C'est-à-dire qu'il ne réagisse pas pendant toute la première partie du film, on comprend, parce que c'est son ami et parce qu'il est complètement sous l'emprise de ce type-là. Mais que là, il ne le dénonce pas alors qu'il a tout le moyen de le faire quand il est en prison, on ne comprend pas. Juste pour revenir sur cette scène, j'ai adoré ce conciliabule où ils se disent, bon, clairement, on a un problème commun. Ce mec fout la merde partout, il faut, on est quand même en Italie, donc on va quand même essayer de le tuer. Et il y en a un, j'étais parfaitement d'accord avec lui, il dit, non, c'est son destin de se faire tuer, ne faisons rien, attendons, il va mourir. Et le film lui donne raison. Remix. Ouais, moi je voudrais juste rebondir sur un point, c'est que moi je suis pas avec le personnage quasiment depuis le début, parce que déjà je trouve qu'il est construit de façon hyper ambivalente. Il a un côté espèce d'idiot, heureux, vraiment mais débile, et puis d'un côté, de l'autre côté, c'est un des seuls, en tout cas, on a l'impression qu'il est père de famille. Je comprends pas pourquoi il aide son ami. C'est pas vrai pour des besoins d'argent, parce qu'il va quand même trois fois en plongée sous-marine, faire de la plongée, je sais pas où, avec sa fille. Donc c'est même pas pour des questions d'argent. Et là, quand tu dis son objectif c'est de pas avoir d'emmerde, bah moi je l'ai perçu différemment. C'est je suis un toutou. Pour moi, le personnage oui. est un chien, est un toutou qui cherche l'affection partout, naïvement, mais idiotement presque. Et d'un autre côté, il a aussi un sens des responsabilités. Donc je ne comprends pas ce personnage, je ne comprends pas son enjeu, je ne comprends pas pourquoi, il ne dénonce pas son ami, mais qui n'est pas son ami, il le brutalise. Je ne comprends pas ce personnage. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Parce que, attends, je tente de passer à bon. Je me plaignais il y a deux semaines, je crois, dans Sans un bruit, en disant que c'était les parents les plus stupides de l'histoire. Ben non. Non, je pense que c'est lui, le personnage le plus con que j'ai jamais vu dans un film. Mais il est profondément stupide, c'est-à-dire qu'il a mille fois l'occasion de trahir le mec et le trahir pour de bon. Ne serait-ce que devant les flics. Il dit, il a qu'à signer un papier, il préfère aller en tôle plutôt que le dénoncer. Et là, on en vient justement, je suis d'accord avec toi, j'ai une incompréhension. Je n'ai pas compris si, dans sa tête, il se disait, c'est vraiment mon pote et il va vraiment m'aider. Ou lorsqu'il est tellement soumis à ce mec... qu'il se dit, bah, de toute façon, il me tient, il va me casser la gueule, il a tellement peur de la blessure physique. Et d'ailleurs, on remarque après que quand il décide vraiment de le piéger, c'est quand il s'est fait casser la gueule pour la première fois. C'est enfin arrivé, ce qu'il avait peur pendant tout le film, c'est enfin arrivé, et c'est à ce moment-là qu'il décide de le faire ce piège, qui est un piège grossier, mais qui marche, parce que le mec est presque aussi con que lui, rarement. Oui, en fait, au vu de ce qui a été dit, je vais corriger ce que j'ai dit. C'est que c'est pas qu'il a pas d'objectif, c'est qu'en fait, pour moi, son objectif n'est pas tenu. Si son objectif c'est de pas avoir d'emmerde, je trouve qu'en fait il n'y arrive pas. En fait, il ne sait pas le tenir et il est pas cohérent en fait là-dedans. Et quand son objectif c'est tout d'un coup d'avoir des excuses, il est pas cohérent là-dedans non plus. On parle beaucoup de la scène des flics parce que ça pourrait être vraiment un turning point dans le film. On lui présente ce qui est censé être un dilemme, c'est-à-dire balance le mec qui est responsable de toutes tes emmerdes et qui va te faire aller en tôle. En plus, il est dangereux. En plus, il peut te casser la gueule. Et on ne comprend pas bien pourquoi il ne le fait pas, alors que jusque-là, c'est un mec qui ne sait pas dire non à quiconque. Il ne sait pas juste dire non à la personne qu'il a en face de lui. Et là, pour une fois, tu as un flic qui pourtant en impose un peu, qui lui dit « Vas-y, fais ça, tous tes problèmes seront résolus. » Et la logique serait « Ouais, ok, fais-le, t'es un lâche, mais du coup, sois lâche de manière utile pour la première fois. » Et là, il dit non. Et là, il a une force de caractère. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça complètement illogique. En fait, j'ai pas suivi ce personnage parce qu'il m'était pas présenté de manière cohérente. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu dis qu'il est lâche, mais en fait, il est pas tellement lâche. C'est-à-dire, il est sous l'emprise de ce type, mais à côté, il y a une scène d'ailleurs, je pense, qui est aussi réussie, enfin, une scène très réussie dans le film, quand il va sauver le chihuahua après le braquage. C'est-à-dire que Simone l'embarque dans un braquage où ils vont voler dans une maison des bijoux, etc. Et il fait le conducteur. Et quand ils reviennent, ils disent en se marrant « Ah, le sale Klebs, on l'a mis dans le congélo. » Et là, il est, comme tu dis, il se reconnaît, c'est un chien parmi les autres. Il adore les chiens et il se dit « Mais c'est abominable, il va mourir. » Et les autres rigolent en disant « Enfin, on s'en fout. » Et le mec, une heure après, une fois qu'il les a déposés, etc., retourne dans la maison, donc il prend tous les risques, il passe la grille, etc., pour aller sauver le chien et lui faire un massage cardiaque et le ravive. Meilleure scène du film. Ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ce mec qui n'a jamais su dire non, bah en fait, il est prêt à risquer sa vie pour des chiens, pour ce qu'il aime. Ok, remix. Alors, je rebondis sur cette scène, justement, que j'ai trouvée super, parce que j'ai cru, vraiment, j'ai eu l'espoir d'une dramaturgie. Je me suis dit, c'est merveilleux, on a un vrai incident déclencheur. On a cet homme qu'on nous a certes caractérisé dans une exposition un chouïa un peu longue, mais ok, en fait, ça démarre. Eh ben non. Cette scène du chihuahua, il y retourne, il se met en danger, il va sauver ce chien, et ça s'arrête. J'aurais adoré que ça parte de là, que en fait, en sauvant le chien, bah, en fait, les flics arrivent, et du coup, bah, ils se barrent avec le chien, ou j'en sais rien, mais que ça fasse décoller le récit. Et en fait, non. Et pour moi, cette scène, elle est symptomatique de tout le film. C'est des scènes qui commencent, qui s'arrêtent, qui commencent, qui s'arrêtent. Et c'est plein de petits courts-métrages ou plein de petites scénettes, quoi. Oui, mais c'est les scénettes réussies, moi. C'est-à-dire qu'il y a notamment cette scène avec le chien. Et une scène aussi que j'ai beaucoup aimée, qui est entièrement muette, entre guillemets. C'est le moment où Simone lui dit, bon, bah, écoute, je vais passer par ton chenil pour aller cambrioler. Et il a une occasion en or de le dire au mec, c'est quand il joue au foot, et il le regarde, il vient au foot, et tu vois qu'il hésite, tu vois qu'il le regarde, et c'est tout ce dilemme en silence, moi j'ai trouvé extrêmement bien. Comme l'autre scène que j'ai adorée, c'est quand il sort de prison, et qu'il voit Simone en train de faire des allers-retours sur sa moto, et qu'il l'appelle, et le mec le voit très bien, et il l'ignore complètement, et c'est pour ça qu'après quand il le revoit deux scènes plus tard, il fait « Ah bah t'es sorti de prison, disons que je savais pas ». Mais évidemment que si tu savais, tu l'as vu passer en moto. Oui, un dernier mot sur ce film ? Bah non, mais je trouve que c'est vraiment une. Enfin, d'après. J'ai l'impression qu'il avait voulu montrer un peu une dialectique maître-esclave. Et là où il dénonce jamais Simonet, c'est qu'il est loyal jusqu'au bout. Qu'il y a vraiment. Ouais, comme un chien, en fait, il est soumis. Et à la fin, justement, ce qui est très fin, mais on l'attend depuis longtemps quand même, c'est que la relation s'inverse. C'est qu'enfin, ils prennent le pouvoir. Et c'est très symbolique. Quand il l'enferme dans la cage de ses chiens, c'est ça y est, c'est moi qui suis ton maître. Et maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Le problème, c'est que Simonet n'accepte pas l'inversion de la relation. Et que lui, il refuse d'être le chien. Et lui, bon, voilà, il refuse ce statut-là. Résultat, il meurt, hein, juste après, étouffé par un crochet, comme un chien d'ailleurs aussi. Oui, parce que alors, certes, la relation maître-esclave s'inverse, mais il ne le tue même pas volontairement. C'est Simonet qui se tue tout seul, parce qu'il est un peu bébête quand même. Ouais, mais il se tue tout seul. Oh, non. Ah non, si. Il se tue tout seul, parce qu'il gigote dans tous les sens. Non, c'est pas vrai. Avec le crochet. Mais pas du tout. Parce qu'il veut sortir. Mais pas du tout. Vous avez oublié la scène. Le mec est en train de l'étrangler. Parce qu'il a fait semblant d'être assommé, il l'étrangle, et Marcelo appuie sur le bouton qui fait baisser l'élévateur, qui le pend. C'est comme ça qu'il s'en sort. Dans tous les donc, sens. Ça reste un meurtre. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'était surtout sur. Je sais plus qui de vous deux disait oui, c'est un chien. Ouais, mais en fait, un chien, il a besoin quand même d'un minimum de. Je sais pas, de tendresse, au moins de jeu. Il y avait une situation de Laurel et Hardy qui aurait pu être exploitée, qui n'est pas exploitée. C'est-à-dire que même si Marcello était vraiment stupide, mais un peu l'heureux stupide qui reçoit quand même une certaine reconnaissance et ça lui suffit pour se dire « Ah, c'est mon copain !» Mais même pas, en fait. Simonet, il est horrible avec lui. Je comprends pas ce qu'il lui trouve, en fait. Mais ça, je suis d'accord. C'est le point faible du film. On finit pas avec toi, Armand. Ce qui me gêne, c'est par rapport à cette histoire de relation maître-esclave, c'est que maître-esclave, ça pourrait être ça, mais on parle de chien et de relation de maître et de chien. Et pour moi, une relation maître-chien, c'est pas une relation de maître-esclave. Ce n'est pas la même chose. Un chien, ce n'est pas un esclave. Ça se comporte différemment, et un maître se comporte différemment avec un chien. De comment il se comporte avec son esclave. Et c'est peut-être moi le plus gros problème, c'est que en fait dans le film reste un peu enfermé dans une symbolique, et que au détriment en fait de la dramaturgie et de la logique des persos. Malgré un jeu d'acteur absolument phénoménal de cet acteur là. Yeah. OK, tour final sur ce film, Sarah. Bah moi, je trouvais que ça partait bien et j'étais assez déçue par ce changement de ton, le fait qu'il n'y ait plus de sous d'espoir à la fin et que ça dure des plombes. Je trouve qu'il aurait fallu couper beaucoup à la fin. J'étais déçue par le film. Ok, Armand. Malgré un ennui, je dirais que ça vaut quand même le coup pour effectivement les 45 premières minutes qui sont très dures et très cruelles, mais on va dire un peu nécessaire. Ça fout quand même une claque, même si après je me suis beaucoup ennuyé. Ok, Remix. Je dirais que le job de fable désenchanté, cruel est bien tenu, mais dans le fond, en fait, et pas dans la forme, et que certes, il y a des thématiques hyper intéressantes, il y a de la symbolique, il y a tous les ingrédients, mais ça prend pas, en fait. Dans l'histoire, ça prend pas. Écoute, je vous trouve un peu dur quand même, parce que certes, c'est une chronique, mais honnêtement, j'en attendais rien de ce film. Franchement, quand on l'a choisi, je me suis dit, oh là là. Et non, finalement, j'ai passé, ça dure 2 heures, je crois, j'ai passé 2 très bonnes heures, j'ai pas vu le temps passer. Ça... Alors oui, je lui dis que ce personnage est fait pour vivre dans l'île aux chiens, hein, clairement. Et on a quand même les 2 pires tueurs à gages de l'histoire de l'Italie. C'est des mecs qui passent en moto, ils tirent 2 balles, il y en a une qui arrive dans son épaule. Mais descendez, finissez le travail, qu'est-ce que vous avez des casques, en plus personne va vous reconnaître. Mais bon. Ils ont pas payé cher. Faut croire. On sent que le mec de la collectivité, c'est les mecs qui tiennent des petites supérettes. Donc on mais le chihuahua ressuscité vaut vraiment le coup d'œil. Oui, rien que cette scène. Oui. On continue avec Paranoia, écrit par Jonathan Bernstein et James Gear. Et c'est Rumix qui nous le pitch. Alors, Paranoia, c'est l'histoire de Sawyer Valentini, une jeune femme qui a quitté Boston pour venir s'installer en Pennsylvanie, où elle a trouvé un nouveau job. Mais en réalité, si Sawyer est parti vivre aussi loin de sa mère et de ses amis, c'est surtout pour recommencer à zéro. Car à Boston, pendant 2 ans, elle a été la proie d'un dangereux pervers du nom de David Stein, qui se persuadait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et même si elle a obtenu une mesure d'éloignement contre lui, ce harcèlement a profondément traumatisé Sawyer, qui malgré les 600 km qu'il a séparés de son harceleur, a toujours l'impression de le voir et de ressentir sa présence. Elle décide alors d'aller consulter un psychologue dans un centre psychiatrique privé, où elle avoue parfois avoir eu quelques pensées suicidaires par le passé. Et d'un commun accord, elle décide de revoir la psychologue. Seulement, voilà, grave erreur, à la consultation suivante, Sawyer ignore qu'elle a signé un papier qui l'a contraint à un enfermement de 24 heures. Comme elle refuse absolument de rester dans l'établissement, Sawyer s'énerve, rentre en conflit avec certains patients, qu'elle juge vraiment fous, contrairement à elle. Et tout bascule lorsqu'une équipe d'infirmiers intervient pour calmer le jeu entre Sawyer et une patiente. Parce que Sawyer croit reconnaître en un des infirmiers, David Stein, son ancien harceleur de Boston. Sawyer le frappe au visage, ce qui lui vaut une prolongation d'internement de 7 jours supplémentaires. Mais ce qui était au départ une croyance devient une certitude. Sawyer est convaincu que David Stein l'a suivi et a infiltré l'établissement. Est-ce réel ou est-ce le fruit d'une imagination à tendance paranoïaque ? Guillaume, le suspense est insoutenable, dis-nous le spoil. Eh ben, non, c'est pas dans sa tête, pour dire clairement. Ce film m'a agréablement surpris. Pareil, je n'attendais rien. Je pensais que ça allait être un film où la seule réponse, c'est ce que je me disais pour Gun Girl aussi, c'est un film où c'est une réponse oui ou non. Est-ce que oui ou non, c'est faux ? Est-ce que oui, c'est vrai ? Est-ce que non, c'est faux ? Eh ben non, le film, à peu près à la moitié du film, donne une réponse claire et nette. Non, ce n'est pas dans sa tête. Ouais. Non, elle n'est pas folle. Elle a vécu quelque chose de très dur. Il y a une scène de caractérisation où elle a un date Tinder et puis elle le ramène chez elle et puis d'un seul coup elle pète le plomb parce que ce mec l'obsède, elle a l'impression de le voir partout. Mais ce mec existe bel et bien, quoi. Et cette scène qui marche très bien pour moi, où on nous dit non, ce n'est pas dans sa tête, bah c'est la scène où de toute façon David, je crois que c'est Stein, va tuer sa mère. Il va directement, oui. Il va directement la scène parce que elle le reconnaît, mais on ne sait pas si c'est lui. Et puis, il y a une scène où on change de point de vue, donc du coup, et on arrive parce que sa mère est venue l'aider pour essayer de la sortir de cet internement. Et David Stein la rejoint et on suppose qu'il la tue. D'ailleurs, on a la réponse après. Et c'est cette scène qui nous montre que non, ce n'est pas dans sa tête. Ouais, moi, c'est ce que je trouve qui est particulièrement réussi dans le film. C'est que, pour le coup, le titre Paranoïa est extrêmement bien choisi. C'est qu'on vit. Moi, j'ai rarement vécu des films comme ça. Où toi-même, tu te dis, bon, est-ce qu'elle délire, est-ce qu'elle délire pas ? Et tu vis ça, et tu vis ce twist, donc, enfin, ce midpoint, je ne saurais pas dire si c'est vraiment... Donc le midpoint, j'explique rapidement, c'est une scène de bascule et de vraie révélation qui arrive en général à la moitié du scénario. Donc j'ai pas vérifié sur le chrono si ça arrive pile à la moitié, mais en tout cas on sent qu'il y a une vraie bascule dans le scénario. Et ce qui est fou, c'est qu'on a la réponse « non ». Elle délire pas. Oui, il a infiltré l'établissement. Et là, on est doublement avec elle parce que même si je trouve ce personnage quand même assez froid, assez antipathique, rien. Qui David ? Non, Sawyer. J'ai peur parce que je veux dire, c'est normal. Non, hein. Sawyer. Et ben en fait, comme je me suis sentie moi-même manipulée, j'étais à fond quoi. Et ce qui est fou dans le scénario, c'est que bon, à partir du moment où l'ironie dramatique elle est installée, donc nous, spectateurs, on est au courant qu'elle ne délire pas, bah, c'est encore pire, en fait. Parce que c'est la question, c'est pas de savoir si elle délire ou pas, c'est est-ce qu'elle va réussir à faire entendre la vérité. Est-ce que, et on voit que le personnel médical, que tout le monde autour, personne n'y croit, que tout le monde la croit de plus en plus folle, et on est avec elle, et c'est terrible, quoi. Non, mais surtout qu'on y croit, parce que, comme elle dit, à un moment, elle a droit à un coup de fil, et elle appelle les flics en disant « je suis enfermée là de manière illégale », et elle lui dit « mais enfin, vous savez le nombre de coups de fil qu'ils reçoivent, les flics comme ça ». Donc on les comprend, parce que dire « je ne suis pas fou », c'est la meilleure façon de se faire passer pour fou. Mais comme tu l'as très bien dit, Rumik, ce film, avant, on a deux films en un, quoi. On a le premier film où on est basé sur « est-ce que oui ou non c'est faux ?» et après on rentre dans un thriller, on se dit « est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Elle est en proie à ce mec qui complètement psychopathe, et le crescendo, les deux crescendos sont très bien faits. Le crescendo de la paranoïa et le crescendo du thriller sont vraiment, vraiment très réussis. Ouais, et d'ailleurs, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est l'affiche qui était un peu mensongère, mais moi je m'attendais à voir un film qui faisait peur. Hein. Oui, moi aussi. Oui. Je sais pas pourquoi, alors qu'en fait, non, on se rend compte assez vite qu'on n'est pas du tout dans du film d'horreur, on est vraiment dans du thriller psychologique, huis clos, c'est extrêmement bien tenu, et... je dirais même qu'il y a trois films, parce que moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'on sent qu'il y a une documentation. On sent qu'il y a aussi un message, vraiment un vrai sujet, une vraie dimension sociétale qui dépasse le simple film à surprise. On est au-delà du high concept de « on te fait un film sur la paranoïa ». On est dans quelque chose de très fouillé et de très complexe. Et c'est très plaisant, en fait. Oui, je suis d'accord. Bon, on a assez dit du bien du film. Non, je voudrais quand même insister sur un point. D'accord, alors, quand même, ça fait partie de mes réserves. Je dis, il est temps de parler des côtés négatifs. Ah, pardon, excuse-moi. Parce que bon, je fais la transition immédiatement sur tout ce foin qui a été fait sur le film, sur le fait qu'il a été tourné à l'iPhone entièrement. J'avoue que ça, j'ai pas compris. Et ça rend quand même le film assez moche. Je sais pas ce que... Ah ça, j'ignorais qu'il avait été tourné en iPhone. Oui, il a été entièrement tourné à l'iPhone avec un budget de 1 million de dollars, 1,5 million de dollars. Ça fait cher pour un téléphone. Quand même. Mais ouais, enfin, trois smartphones en tout. Et j'avoue que... À part les quelques scènes où on sent qu'à l'écriture, vraiment du scénario, on veut nous faire ressentir une atmosphère de voyeuriste, j'avoue que j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi tourner ça avec des optiques aussi moches pour nous donner l'impression qu'on était peut-être un peu plus avec les personnages. En vérité, ça m'a quand même sorti du film parfois parce que c'est vraiment moche, quoi. Moi, je m'en suis même pas rendu compte. Mais j'ai quelques questions. C'est comment David a fait pour savoir qu'elle était là. Exactement, tu soulèves les réserves. Ça, par contre, je crois qu'à aucun moment, ce n'est expliqué. Alors, ouais, il y a. Moi, justement, je l'ai interprété par cette façon de filmer à l'iPhone, dès un des tout premiers plans, quand elle appelle sa mère au téléphone pour lui dire, ou sa mère lui dit, t'avais besoin de partir à 600 km de moi, c'est ça, hein. Elle se lève pour aller jeter sa salade et on la voit filmé comme ça de très loin, un peu suivi. Ah oui, exact. Et je me suis dit, mais ça, c'est à la fin du film, avec le recul, je me dis, ah ouais, en fait, depuis le début, il était là. J'avais pas pensé à ça. Mais le problème, c'est que quand elle est dans l'hôpital et qu'elle dit, ce mec est mon harceleur, il ne s'appelle pas, comme vous dites, il s'appelle David. Mais alors pourquoi, une question qu'elle devrait facilement poser, c'est, dites-moi, depuis quand elle travaille là? Tout simplement. Parce que ça veut dire que le mec, parce qu'il pouvait pas anticiper dans quel centre elle allait aller. Donc ça veut dire qu'il s'est fait engager après, en se disant c'est l'occasion parfaite pour la coincer. Sauf que, en plus, il y a une des infirmières qui dit, ah, t'es vraiment un employé modèle et tout. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les scénaristes savaient très bien que c'était un problème, donc ils l'ont volontairement flouté pour qu'on se pose pas trop de questions. C'est ça. Je pense qu'il y a des heureux hasards dans le film un peu trop gros qui pourraient peut-être s'expliquer, mais bon, franchement, ça reste assez light. Quant à l'usurpation d'identité, il a quand même autre gros hasard, c'est que heureusement qu'il y a un infirmier avec une grosse barbe et des grosses lunettes. Chouette, je vais pouvoir prendre son identité. Donc ça, c'est quand même... Ah, il a pris l'identité de quelqu'un? Bah oui, mais bien sûr, il a pris l'identité de l'infirmier Georges machin, qui a sur son badge, on voit une grosse barbe et des grosses lunettes. Donc, en fait, il y a 3 cm² de peau où tu dis, Ah non, moi j'ai cru qu'il s'était fait des faux papiers. Ah non, non, non, non, parce qu'on retrouve ce Georges. Ah donc c'est lui le cadavre. Ah, oui. C'était mon autre question, je n'ai pas compris à qui était le cadavre dans la forêt. Les flics le disent, les flics là disent, devine, on a trouvé un cadavre, devine qui c'est, Georges, c'est l'infirmier. Il a buté l'infirmier, il a pris son identité. D'accord. Mais coup de chance, parce que le mec lui ressemble, donc ça... Tu dis, ouais, les scénaristes, là, ouais, les mecs, ça passe franchement au forceps. C'est hein. Ce qu'on appelle la théorie du premier mensonge. C'est-à-dire que dans le premier quart d'heure, t'as le droit de faire ce que tu veux. Voilà, mais sauf que des hasards, il y en a quand même d'autres. Celui de comment il pouvait anticiper qu'elle allait dire à la psychologue, bah oui, j'ai eu quelques pensées suicidaires, donc bah venez signer ce papier, on vous interne. Bon bah voilà, comment il a su. Et puis il fait bien son métier hein, pour quelqu'un qui a commencé le jour même. Hein. Voilà, et alors par rapport à ce que tu disais sur personne n'a vérifié ses antécédents, il me semble, mais je voudrais pas déformer, il me semble que c'est l'autre infirmière, la femme, mm-hmm. qui lui dit... on comprend que ça fait pas très longtemps qu'il est employé ou qu'il vient juste d'être employé, donc bon, bah voilà, ils connaissent pas ses antécédents, quoi. Ouais. Mais bon. Alors, il y a une scène, pour moi, donc, quand on est dans la première partie, on ne sait pas si elle est folle ou pas, je crois qu'il y a une scène qui sortait un petit peu du schéma qui était, c'est qu'on est de son point de vue, à elle, tout le temps, et je trouve qu'il y a une scène, c'est que justement quand elle appelle les flics, celle dont je parlais tout à l'heure, et on voit les flics vraiment arriver, et on voit les flics plaisanter avec l'hôtesse en disant « Ah, qu'est-ce que tu fais pour ce week-end ?» Tout tellement ils sont habitués à venir. Mais cette scène n'est pas de son point de vue, à Sawyer, donc ça veut dire quelque part qu'en fait elle n'est pas folle, parce que sinon on ne le verrait pas, sinon la caméra ne tournerait pas. La caméra tourne, enfin change de point de vue à partir du moment où on sait qu'elle n'est pas folle, et donc ça suit David dans ses tueries. Mais cette scène là m'a fait tiquer, je me suis dit, ah donc ça veut dire que c'est un indice, peut-être un indice pour dire qu'en fait elle n'est pas folle. Il y a le même genre de scène dans Total Recall, on en parlera un jour, mais c'est vrai que David a quand même tué donc l'infirmier, sa mère et une patiente. Et une des patientes. Et alors, d'ailleurs, cette patiente, oui. Qui est quand même particulièrement bien exploitée, j'ai trouvé comme personnage, tous les personnages, hein. Le personnage... Le mec qui a le téléphone aussi. Voilà, le mec qui a le téléphone, qui passe pour un potentiel patient complotiste, théorie du complot, etc. Genre, bah, lui aussi, il est fou. Mm-hmm. Bah, en fait, non, il s'appelle Nate, il me semble. Il se révèle être, en fait, un journaliste... infiltré. Undercover, oui. Et cette patiente hyper agressive, un peu nympho sur les bords, là, Violette, mm-hmm. Qui, dès la première scène de confrontation avec Sawyer, a dans son caleçon là, un morceau métallique. Mm-hmm. Je crois que c'est une cuillère qu'elle a taillée. Une espèce de cuillère, ouais, qu'elle a taillée pour en faire comme une arme. Eh bien, c'est cet implant, mm-hmm. de la pièce métallique qui va resservir à la toute fin du scénario où c'est un coup monté, cette fois c'est Sawyer qui manipule, ouais, David, très très bonne scène, très bonne scène où elle manipule David en lui disant oh mais David, oui d'accord c'est vrai, tu as raison, on est fait l'un pour l'autre, mais avant j'aimerais quand même que tu couches avec une fille parce que bah quand même quoi, après tu vas passer toute ta vie avec moi, c'est donc ça moi, serait bien, moi les puceaux c'est pas voilà, trop mon genre, voilà, tes puceaux, faut quand même que tu saches à quoi tu t'attends, allez va chercher une fille et je voudrais que tu couches avec elle devant moi. Elle lui dit d'aller chercher quelqu'un, pas n'importe qui, mm-hmm. Violette. En faisant venir Violette, c'est là qu'on comprend que... Ouais. Moi, j'ai été surprise même à ce moment-là parce que je me suis dit, je sens que c'est un plan, mais en même temps, je sais pas. Ouais. Je... Ah non, mais pour moi, cette scène est un modèle de pain payoff. Vraiment, c'est absolument... Je crois que c'est peut-être un des meilleurs que j'ai vu parce que tu oublies complètement et quand tu le vois, tu fais « Ah, mais oui, c'est vrai !» Et c'est ça que je demande un pain payoff. Et il est vraiment, vraiment excellent. On va s'arrêter là-dessus. Tour final sur ce film, Marine ? Bah, moi, je recommande chaudement ce film que j'ai vécu comme une expérience de paranoïa cinématographique. Et honnêtement, je cherche, j'en ai pas vécu tant que ça. Voilà, du high concept, mais pas que. Un vrai scénario, du rythme, des personnages très bien tenus, des vrais twists, des vraies surprises. Franchement, pas grand-chose de négatif à dire sur ce film. Je suis d'accord, vraiment, excellent film. Excellent film, c'était pour moi une des surprises de l'année. Moi qui n'attendais rien, j'ai vraiment été bluffé du début à la fin. La fin est super bien dans la forêt aussi. Donc je le recommande, mais alors vraiment, vraiment de tout mon cœur, je veux dire. Et on termine avec un vrai petit blockbuster quand même, parce qu'on s'est ennuyé jusque maintenant. Ant-Man et la Guêpe, la suite d'Ant-Man, 20e film de la saga Marvel. On les avait laissés face à Thanos. On revient à des enjeux un petit peu plus simples. Et c'est écrit par Chris M. Alors, je vais dire parce qu'ils sont beaucoup écrits. Chris M. Kenna, Eric Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferry et Paul Rudd qui jouent Ant-Man et qui, donc, c'est la mode, visiblement. Les acteurs aiment bien écrire leur propre rôle maintenant. Et c'est Armand qui nous pitch. Pardon pour ce pitch, je n'ai rien compris au film. Alors, dans les épisodes précédents, j'ai besoin de préciser, parce qu'il y a quand même un premier Ant-Man, Scott Lang est donc le héros qui, grâce à un costume spécial, réduit sa taille à celle d'une fourmi, ou d'un insecte. Ce costume a été fabriqué par Hank Van Dyne, joué par Michael Douglas, inventeur qui, lui-même, dans sa jeunesse, utilisait ledit costume sous le nom d'Ant-Man pour combattre le mal aux côtés de sa femme Janet, jouée par Michelle Pfeiffer, qui elle-même utilisait son propre costume sous le nom de la Guêpe. Voilà. Donc ça, c'est pour le précédemment qu'on comprend quand même, malgré tout, grâce à toute une série de flashbacks. Scott Lang, joué par Paul Rudd, est assigné à résidence par le FBI parce qu'il a enfreint la loi pour aider ses potes, les Avengers, si j'ai compris. Mais, c'est dans le premier Avenger. Oui. Dans le premier Avenger, voilà. Et comme je ne l'ai pas vu, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Très belle scène à l'aéroport. Donc, ce faisant, il s'est brouillé avec Hank Van Dyne, donc l'inventeur, et sa fille Hope Van Dyne. et donc, voilà, ils sont fâchés, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, ils sont fâchés. Non, mais c'est pas dit vraiment dans le film, donc on ne sait pas si on n'a pas vu. Voilà. Et un jour, dans un rêve, il voit la femme de Hank Van Dyne, donc Janet, l'ancienne Guêpe. Et donc, il prévient Hank Van Dyne : j'ai vu donc ta femme dans un. Je sais qu'on est fâché, mais j'ai vu ta femme dans un rêve. Et il se trouve que, en fait, ce n'était pas un rêve, c'était la femme de Hank Van Dyne qui communiquait avec Scott Lang depuis. Ce qu'on appelle le monde quantique, quoi que ça puisse vouloir dire. Donc elle est perdue dans le monde quantique en fait depuis 30 ans suite à une mission un peu ratée. Et donc Hank Van Dyne va utiliser Ant-Man Scott Lang pour replonger dans les profondeurs du monde quantique pour essayer de retrouver sa femme perdue depuis 30 ans donc. Avec l'aide de, bien sûr, la nouvelle Guêpe, qui est jouée par Evangeline Lilly, la fille de Hank Van Dyne et de Janet. Le problème, c'est que, Janet évidemment, le problème, il y a tout un tas de problèmes techniques, mais le problème majeur, c'est que, comme une nana qui s'appelle Avastar, qui est donc le fantôme, a besoin de l'énergie potentielle de Janet, qu'elle a accumulé pendant 30 ans de résidence dans le monde quantique. Et donc, elle va essayer de retrouver, en fait, Janet avant eux et donc récupérer son énergie et donc, basiquement, la tuer. Donc, le but du jeu va être de retrouver Janet avant le fantôme pour ne pas qu'elle meure et que la famille soit à nouveau réunie. Voilà. Écoute, je ne me rappelais pas que c'était aussi compliqué. C'est parce qu'il y a tout un tas de il y a beaucoup de flashbacks et de backstory finalement. Non mais c'est en fait quand tu le vois ça a l'air simple, ça l'est finalement. On te prend par la main. C'est un film qui est entièrement basé sur le MacGuffin. Le MacGuffin, pour expliquer ce que c'est quand les personnages sont à la recherche d'un objet qui leur sert pour leur enjeu émotionnel. Voilà. Donc typiquement là c'est un appareil je crois qui permet d'aller dans le monde quantique parce que visiblement le monde quantique pour ceux qui ne savent pas. C'est l'échelle quantique, c'est-à-dire c'est l'échelle en dessous des atomes, c'est là où les lois de la physique ne sont plus les mêmes. Donc, mais sauf que eux, ils ont décidé que le monde quantique, c'est un espèce d'endroit de fées et de magie où tout le monde est réuni. Parce que si la Guêpe, pourquoi elle rentre dans le monde quantique, dans le flashback qu'on voit, elle se réduit à l'échelle quantique pour rentrer dans un missile pour l'empêcher de percuter les États-Unis, on suppose. Très bien. Mais ma grande, tu es au milieu de l'océan Pacifique dans le monde quantique. Oui. Sauf que lui, il se rend dans le quantique, je crois qu'ils sont à San Francisco. Enfin, il n'y a aucun rapport entre c'est les deux. C'est comme si tu étais dans le paradis pour le monde quantique. Exactement. C'est-à-dire, peu importe l'endroit, tu es au paradis, on te retrouve dans l'adresse 13 rue du paradis. Et donc, du coup, il suffit de se réduire dans un monde à l'échelle infiniment. Donc petit et donc tout est à côté, c'est très mais pratique. Pas juste infiniment petit, c'est-à-dire que c'est un monde où il n'y a pas vraiment de lieu, il y a pas de ce n'est pas tridimensionnel, c'est comme un endroit où tout est possible à tout moment sous n'importe quelle forme, donc tu y es et donc on te retrouve facilement. Les lois de la physique quantique sont assez spéciales. Voilà. J'ai vu ça avec ma sœur qui est prof de physique. Elle a bien ri quand même. C'est bien marré, oui. Je m'en doute. Sarah. Oui, alors moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de points positifs, mais avant, j'aimerais dire tout ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu as fait une liste d'incohérences peut-être ? Non, pas du tout. Alors le problème, c'est surtout que les enjeux sont faibles. C'est-à-dire que. Oh, c'est pas vrai. Alors, le personnage principal, quand ça démarre, il entre en communication, peut-être avec la femme de son ex, et il se dit je pourrais peut-être les aider. Mais quel est son objectif à lui ? À part transmettre un message. Lui, il n'a pas d'objectif. Lui, son objectif, c'est rester chez lui. Or, il y arrive très mal. Il veut rester chez lui parce qu'il est assigné à résidence et que s'il part, le FBI est sur son dos. Bah oui, c'est un dilemme. Il le résout très vite. Hein. De toute façon, il est obligé de les aider, il ne peut pas repartir. Donc lui, son objectif, c'est pas du tout de retrouver la mère de sa pote, enfin de son ex avec qui il s'est brouillé. Lui, il suit. En fait, il est là pour rendre service, donc c'est pas un objectif très fort. Et surtout, la mère, en fait, c'est vrai, quand le pré-générique se termine et qu'on a le générique Ant-Man, on se dit, mais. Ah bon, les enjeux sont pas très forts parce qu'ils disent on va pouvoir, peut-être que ma mère est vivante. Oui, on le sait puisqu'elle a communiqué avec Ant-Man et surtout elle est là depuis 30 ans, donc de toute façon elle va pas mourir maintenant si elle a survécu pendant 30 ans. Mais quelle est l'urgence vitale? Parce que pareil, si elle a survécu, pourquoi est-ce qu'il faut la chercher maintenant et pas plus tard? À part leurs explications fumeuses de parce que c'est le seul moment, sinon ce sera dans 100 ans, le trou va s'ouvrir, on pourra communiquer. L'urgence. Et qu'il y a une autre personne qui essaye d'aller dans le monde quantique pour la tuer. Oui, mais personne ne peut y aller sans le laboratoire du fameux docteur. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est pas vraiment un MacGuffin. Ce qu'ils veulent, c'est un composant. Mais ils l'ont, ils se le font voler. Ils se le font voler. Après, ce qu'ils veulent profondément, c'est quand même retrouver la mère. Mais comment survit-elle dans ce monde? Ça, je ne comprends pas. C'est une autre question. Parce que moi, je pensais, vu que le monde quantique est un endroit où l'espace et le temps sont différents, je pensais justement que le twist de ce film, c'est que pour la mère, il s'était passé 5 secondes. Quoi. Et qu'ils allaient retrouver Michelle Pfeiffer, qui est super bien fait en jeune d'ailleurs, et que ça allait être ça la blague, que Michael Douglas allait arriver, qu'elle allait avoir toujours 30 ans, et qu'il allait dire, non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Sauf que non, elle a survécu 30 ans dans sa combinaison. Son maquillage et son brush. J'ai dit, mais comment elle faisait pour manger? Comment elle faisait pour faire caca? Excusez-moi, mais enfin, dans le monde quantique, j'ai pas vu beaucoup de toilettes. Mais c'est surtout que ce monde quantique, il est très onirique, il est très beau, je sais pas, on est comme une espèce de dessin impressionniste, mais du coup c'est pas du tout relié au réalisme du reste. Et c'est vrai que moi aussi j'aurais voulu un twist, n'importe quoi, le fait que par exemple, je sais pas, elle soit morte en fait, et que ce soit juste son message, sa voix, qui soit restée quelque part, parce qu'elle dit je te guiderai par la voix, et c'est pas du tout surprenant, on voit Michael Douglas arriver enfin dans le monde quantique, au bout d'une minute il l'a trouvé, et c'est bon, ils s'embrassent, ils repartent, terminé. Oui, c'est complètement fumeux, hein. En vrai elle aurait pu être coincée avec la mare, c'était la même chose. Il fallait aller la chercher quelque part avec de moyens. Ils résolvent le problème très vite. Dès le début du film, on sait comment y aller, sauf qu'on se fait voler un composant. Et on va arriver au méchant du film, qui est pour moi l'énorme défaut du film. Qu'il n'est pas méchant. Non, mais ça, c'est pas grave. Encore qu'un méchant soit pas totalement méchant, parce qu'on a oublié de dire le cœur du film. Il y a deux méchants, en fait. T'as parlé de Ghost, fantôme. Il y en a deux. C'est-à-dire que les deux sont faibles. Et ils se sont dit un faible plus un faible fera un méchant fort. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Il y a deux méchants. C'est pas vrai. C'est justement, ils ont créé l'autre méchant de 1 pour apporter de la comédie, parce que c'est clairement un bouffon. C'est celui qui jouait Shane dans The Shield. Mais attends, pour revenir pour moi, le thème du film, pour faire plaisir à quelqu'un qui n'est pas là, c'est la relation père-fille. On a trois relations père-fille dans le film. On a Ant-Man et sa fille. On a, j'ai oublié son nom, celui qui joue Morpheus. Dr. Bill Foster, qui est joué par Laurence Fishburne. Exactement. Et Ghost. Et on a Michael Douglas. Qui est sa fille adoptive, un peu, on va dire. Quoi. Oui, qui est l'équivalent de sa fille. Le film parle de ça, de la relation père-fille. Est-ce que c'est exploité? Non, en gros, un papa et sa fille. Ouais, on était au courant. Merci. Mais pour revenir à Ghost, c'est autant le pouvoir de Ant-Man et de la guêpe sont extrêmement jouissif à regarder. C'est-à-dire qu'ils les exploitent très bien. Le problème, c'est qu'ils étaient tous dans la bande-annonce. Si vous avez vu la bande-annonce, c'est mort. Mais quand elle fait grossir la salière, quand elle réduit sa voiture pour exploser les autres bagnoles en tout, ça, c'est très bien fait. Oui, parce que faut rappeler que non seulement ils peuvent se rapetisser grâce à leur costume, mais ils peuvent aussi grossir et ils peuvent faire grossir les objets. Ça, on ne comprend pas pourquoi. Mais ils ont des petites capsules qu'ils jettent sur les objets, rappelle-toi. Mais pourquoi ça ferait partie de leur pouvoir? En fait, le problème, c'est quand on n'a pas vu autres films, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Oui, je suis d'accord. Mais là, pour revenir à Ghost, son problème, c'est qu'elle, ses pouvoirs ne sont pas du tout exploités. Elle a quand même un pouvoir super bien où elle peut traverser les murs, tout ça. Mais moi, je m'attendais à des combats épiques où elle allait prendre le bras d'Ant-Man, le foutre dans un mur, traverser un mur et le lâcher au milieu ou quelque chose. Non, sur la fin, ça s'améliore un peu. Il y a des combats un peu mieux. Mais ce personnage est tellement sous-exploité que pour moi, le gros point faible du film, c'est son méchant. Armand. Bah, en fait, il y a c'est ça aussi, c'est que il n'y a pas que des points négatifs, c'est énormément de sympathie. Enfin, on rit beaucoup. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment drôles, mais tu t'es marré, toi ? Ah oui, oui, ah, oui, oui, vraiment, vraiment. Il y a des moments. Mais en fait, il y a une inutilité criante du héros. Tu as l'impression vraiment qu'ils ont essayé de raccorder ce héros-là à toute une mythologie qui existait déjà, qui est celle de Michael Douglas et de Michelle Pfeiffer avec leur fille. Mais c'est vrai qu'il est assigné à résidence, c'est rigolo. L'idée du bracelet électronique qui se déclenche parce que juste il a son pied est passé à travers sa barrière, ça c'est rigolo. Et leur rapport avec sa fille est marrant aussi. Mais c'est un running gag en fait. Il adorable a des enjeux. Sa fille est adorable, mais il a aussi adorable. C'est vrai qu'il a des enjeux assez minuscules, donc on s'en fiche un petit peu. Donc c'est vrai que dès l'instant que ça sort de l'humour, bah moi je décroche pas mal. Mais comme tu dis, les scènes d'action et les situations de comédie, je trouve, sont très bien exploitées, et ça permet de faire, par une scène d'exposition cachée franchement très réussie, le moment où en fait l'associé de Ant-Man, parce que dans la vraie vie il travaille dans une société de sécurité d'après ce que j'ai compris, avec un associé qui est assez marrant qui s'appelle Excon parce qu'il sort de prison et qu'ils se sont rencontrés en prison. En fait, à un moment, donc le méchant numéro 2, celui que tu appelles le bouffon, qui veut aussi récupérer le laboratoire et son composant pour aller dans le monde quantique pour l'argent, va voir l'associé et lui dit où est Ant-Man, et il lui injecte un sérum de vérité. Vous n'allez pas lui dire non, c'est pas un vrai sérum de vérité. Et du coup, ça permet que en fait ce mec là plutôt que de lui dire où se trouve Ant-Man, en fait retrace tout l'historique de Ant-Man. Et là, alors c'est malheureusement c'est déjà la moitié du film, mais je dis ah, mais c'est ça qui s'est passé avant, c'est pour ça, et c'est assez drôle. Flashback. Et bah, franchement, c'est bien fait. C'est drôle. Ah oui, oui, là quand il parle, c'est on voit la voix du Mexicain à travers le flashback, comme si tu racontais. Ça c'était plutôt bien fait. En même temps, tu vas voir un numéro 2 sans avoir vu le numéro 1. Non, mais quelquefois ils se démerdent pour que l'histoire tienne toute seule. Je suis désolée. Enfin, là, il y a trop de choses qui nous passent à côté, et ils font des vannes tout le temps sur des films qu'on n'a pas vus, même les Avengers. Ça fait trop private joke. Moi, pour moi, c'était trop private joke. Oui, non, je suis d'accord. Écoute, on va arrêter là sur ce film. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, mais bon, non. Tour final, Sarah. Moi, j'ai trouvé ça drôle, et je trouve que pour ce genre de film, d'action, film de super-héros, j'ai bien aimé. On passe un bon moment, je trouve. D'accord, Armand ? Ça confirme ce que j'ai pensé en voyant Deadpool, c'est personnel. Les films de super-héros, en général, dès que ça sort de l'humour et que ça se prend au sérieux, je décroche complètement. Donc tu as aimé ce film, alors ? Et j'ai beaucoup ri, pas autant que dans Deadpool 2, mais j'ai quand même beaucoup ri, donc j'ai passé un bon moment. Juste, je me suis un petit peu ennuyé dès l'instant qu'il y avait des méchants qui n'étaient pas méchants, qui faisaient pas peur et qui avaient des objectifs un peu pourri, ou qu'il y avait une scène d'émotion, de réunion familiale, je m'ennuyais un petit peu, et dès qu'il y avait des nouvelles vannes, ah tiens, c'est marrant. Voilà. Moi j'ai été très très déçu par ce film, je pensais vraiment pas que c'était le film qui allait me décevoir dans les trois cette semaine. J'en attendais pas énormément, mais j'en attendais mieux que ça, moi qui aime bien l'univers Marvel, et je pensais vraiment, parce que Ant-Man n'était pas là dans Avengers 3, Rumi, que tu as vu Avengers 3, vous deux vous ne l'avez pas vu. On se demandait pourquoi il n'était pas là. On dit, on va enfin avoir des réponses. Ouais, il était en train d'aider sa pote à retrouver sa mère, quoi. Tout ça pour ça. Même si la séance post-générique où ils disparaissent tous et il est coincé dans le monde quantique laisse rêveur, et on peut supposer que ça va servir à quelque chose. Il y aura une suite. Non, mais non. En fait, apparemment, de ce que dit Internet, c'est que dans le monde quantique, il va changer d'univers, et c'est comme ça qu'il va arriver dans un autre univers et qu'il va pouvoir récupérer des pierres dans l'infinité pour sauver les gens qui sont morts dans Avengers 3. On y reviendra l'année prochaine, ne t'inquiète pas. Et oui, par contre, dernier point négatif, la pire scène post-générique de l'histoire de Marvel, avec une fourmi qui joue de la batterie. Mais on s'en fout. Pourquoi ? En soi, on l'a déjà vu dans le film. Mais c'était drôle. Oui, mais attends, d'ailleurs, pourquoi elle joue ? Parce que la fourmi est programmée. Pour faire tout ce que fait Ant-Man, faire croire au FBI qu'il est toujours chez lui. Oui, mais jusqu'au moment où il est libéré. Il est libéré, la fourmi devra arrêter de faire ça. Bah, il a oublié qu'il y avait sa fourmi chez lui, ou alors il l'a adoptée, je sais pas. C'est un payoff, c'est voilà. Par contre, comme les 15 minutes d'attente dans Marvel, il y a 17 minutes de générique dans les Marvel, donc il vaut mieux que le payoff soit vachement plus costaud que ça. Ouais. Ok. Allez, on termine par les courts et fuyés de la semaine. Sarah. J'ai vu qu'il y avait The Dark Knight qui passait sur TF1 jeudi soir. Un vrai film de super-héros. Moi, j'avais pas réfléchi à une recommandation et je me dis, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et ça, c'est un vrai film de super-héros qui se prend au sérieux, mais qui arrive à être un super film où on peut dire c'est un excellent film sans ajouter super-héros après. Et ça, c'est très fort. Je pense que c'est à peu près le seul qui a réussi à faire ça. C'est vrai que recommande ce film. C'est vrai que je surkiffe ce film aussi. Armand. Il va falloir qu'on reparle de cet excellent film. Oh, cool. On fera une émission spéciale classique. Du stand-up, tout simplement. Courez pas très long parce que c'est sur Netflix, mais le dernier stand-up de Ricky Gervais en date, qui est Humanity, qui est. Comme d'habitude, comme tout ce que fait Ricky Gervais sur scène est absolument génial, croquant, politiquement incorrect et à mourir de rire. Tu n'as pas vu l'épisode des Simpsons qu'il a écrit, hein. Mais je t'enverrai les liens. Avec plaisir. Rumix. J'ai eu extrêmement peur que tu me piques ma recommandation. Répète ta dernière phrase, ouais. Vas-y Marine, pardon. Je disais que j'avais eu extrêmement peur que tu m'aies piqué ma recommandation parce que je recommande, je pense pour la première fois de l'histoire du podcast, un stand-up. Mais je le recommande très, très, très chaleureusement. Ça s'appelle Nanette de Anna Gatsby, qui est une auteure et humoriste qui est née en Tasmanie. Et ça parle avec beaucoup d'humour et de délicatesse de coming out, d'homophobie, d'inégalité homme-femme, de réflexion sur l'art, sur la création. Enfin, tout ça pêle-mêle et en même temps de façon hyper naturelle. Et c'est une claque humoristique et une claque de sensibilité. C'est sur Netflix. Courez voir, piquez les codes de vos petits frères. Piquez les codes Netflix, mais regardez Nanette, c'est magnifique, c'est bouleversant. Ok, bah, moi je vais recommander un jeu vidéo qui a presque un an maintenant. Et qui s'appelle PES 2018. Oui, je sais, j'ai du retard. Le 2019 va sortir dans un mois. Mais je m'y suis mis récemment. Et j'aimerais remercier toute l'équipe des modeurs qui ont fait toutes les joueurs classiques. Alors, j'ai pu jouer avec Pelé, j'ai pu jouer avec Maradona. Et merci, messieurs, de rester enfermés dans vos chambres à programmer des joueurs virtuels. Ça m'a fait mes deux semaines. Merci beaucoup. On s'arrête là. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Et puis vous balancez. Alors, ça, c'est les likes sur Facebook et c'est les étoiles sur iTunes. C'est ça. Et sur Android, je ne sais pas comment ça s'appelle. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Non, on avait encore coupé ton micro. On recommence. Je dis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes parce que ça fait remonter le podcast, voilà. dans la catégorie cinéma ou culture, etc. Donc voilà, ça fera plus de visibilité. Merci beaucoup et à dans deux semaines.